la mer et le ciel sur notre petit bout de terre. On ne s'en ira pas. Notre terre, notre mer ne nous est que trop chère. Ils viendront nous piller, nous voler et nous dire de payer leur propriété. Ils voudront nous changer, insistant pour que l'on croie en leur félicité. On est là, entre la mer et le ciel, sur notre petit bout de terre. On ne s'en ira pas. Notre terre, notre mer ne nous est que trop chère. Ils ont déjà commencé à polluer tout ce qu'ils pouvaient pour faire du blé. Ils ont déjà détruit les forêts jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus respirer. On est là, entre la mer et le ciel, sur notre petit bout de terre. On ne s'en ira pas. Notre terre, notre mer ne nous est que trop chère. Si l'on nous laissait tranquille, juste pour rire, juste pour voir ce que vaut l'homme sans l'humanité, que l'on puisse enfin vivre comme sur une île, à devoir tout créer et tout réinventer. On est là, entre la mer et le ciel, sur notre petit bout de terre. On ne s'en ira pas. Notre terre, notre mer ne nous est que trop chère. Il viendra un jour où l'homme ne sera plus l'homme et la terre plus qu'une ruine. Il viendra ce jour, si l'on continue ainsi à jouer aux bandits. Yeah, yeah.